الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On va poursuivre nos cours de biographie du messager de Dieu, prière et salut sur lui, مع الدرس السادس والثلاثين, avec le cours numéro 36. رأينا في الدرس الماضي أمثلة متنوعة من هجرة الصحابة رضوان الله عليهم. Nous avons vu dans le cours précédent, c'est-à-dire numéro 35, pas mal d'exemples ou des exemples variés de l'exil ou de l'égir des compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفهمنا بأن الهجرة لم تكن سفرا سياحيا. Et nous avons compris que l'exil ou l'égir n'était pas un voyage touristique. ولا فترة راحة. Et non pas une époque ou une période de repos et de loisirs. بل كانت الهجرة ابتلاء كبيرا. Plutôt, l'exil ou l'égir était une grande épreuve, وامتحانا صعبا, un test ou un examen difficile. فبعد ابتلاء العذاب الشديد, après la grande torture ou l'épreuve de la grande torture, الذي كان يمس المسلمين من طرف المشركين, cette grande torture que subissaient les musulmans, torture faite par les associateurs, امتحان الجسد, le test ou l'examen du corps, وبعد النجاح فيه, et après le succès dans cette épreuve divine, كما رأينا مع بلال لما كان يعذب رضي الله عنه وغيره, comme nous l'avons vu avec Bilal lorsqu'on le torturait dans le désert sous le soleil, que Dieu soit satisfait de lui et d'autres. بعد هذا الابتلاء, après cette épreuve, جاء ابتلاء الهجرة, il y a eu l'arrivée de l'épreuve qui s'appelle l'exil, l'égir. بقدر ما كان إسلام الأنصار في المدينة نصرا كبيرا وفتحا كبيرا, plus l'islam des Médinois, des Ansar à Médine était une grande victoire pour les musulmans, بقدر ما كانت الهجرة من مكة إلى المدينة ابتلاء كبيرا. De la même manière, l'exil de la Mecque vers Médine était une grande épreuve, comme l'islam des Ansar était une grande victoire. وَالْهِجْرَةُ تَعْنِي أُتْرُكْ, l'égir signifie أُتْرُكْ الْمَالِ, abandonne la fortune, وَالْزَوْجَ, la femme, وَالْأَوْلَادِ, les enfants, والبلاد, le pays, والدار, la maison, والأصحاب, les amis, اترك الدنيا, abandonne la vie ici-bas, et c'est bien, dans sa totalité. فبعد امتحان الجسد, après l'épreuve du corps, l'épreuve corporelle, جاء امتحان الدنيا. Dieu leur a envoyé la seconde épreuve, qui est la preuve de la vie ici-bas. إذا كنت مسلما صادقا فاترك الدنيا واختر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Si tu es vraiment musulman sincère, un croyant sincère, abandonne la vie ici-bas et choisis Dieu le Très-Haut et son messager, prière et salut sur lui. وصارت الهجرة فرضا, et tout de suite l'égir, l'exil est devenu une obligation. À cette époque, فذلك الوقت, كانت أركان الإسلام ثلاثة. À l'époque, les piliers de l'islam étaient au nombre de trois. الشهادة, l'attestation de foi, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et j'atteste que Muhammad est l'envoyé de Dieu. As-salat, la prière, ba'd al-Isra wa al-Mi'raj, suite au voyage nocturne et à l'ascension, il y avait la recommandation de la prière, wal-hijra, et l'égir. Amma al-zakat, wa-siyam, wa-l-hajj, tandis que la zakat, le jeûne, le pèlerinage, fasat ufradu fil Madina. Ces trois seront recommandés à Médine. Takhayyal al-an, imagine maintenant mon frère ou ma sœur. Naqulu lak, takhayyal al-an, akhi ukhti. Naqulu lak, on te dit, utruk baytak. Abandonne ton foyer, ta maison, wa zawjatak. Et abandonne ta femme, wa awlad, et tes enfants, wa malak, et ta fortune. Ta fortune que tu as épargnée pendant toute ta vie, wa biladak. Et abandonne le pays dans lequel tu vis, et vas-y vers un autre pays, sans aucune chose avec toi. Tu vas voyager vers un pays inconnu pour toi, que tu ne connais pas. Et tu ne connais pas ce qui t'attend là-bas dans ce deuxième pays. Et tu ne sais pas ce qui attend ta famille après ton exil. Que vas-tu faire? Maintenant, quelle est la valeur de ta confiance en Dieu qui t'a dit fais ça, abandonne tout et va vers une autre direction. Ton Seigneur t'a ordonné. Qui aimes-tu plus? Est-ce que tu aimes plus la vie ici-bas ou bien Dieu le Très-Haut? Al-Hijra, imtihan, l'exil ou l'égir est une épreuve très très grande. Imtihan kabir. Al-Hijra, ikhtiyarun sa'bun bayna ad-dunya wal-akhirah. L'exil ou l'égir est un test très difficile entre la vie ici-bas et l'au-delà. Al-Hijra, i'dadun lil-muslimin. L'exil ou l'égir était une préparation psychologique pour les musulmans. Lamma sayati lima sayati min hurub fi al-mustaqbal dhidd quraish, une préparation pour les guerres, les batailles à venir contre les mécréants quraishites, contre les associateurs. Faman lam yatruk al-an dunya allati ahabbaha. Celui qui est incapable maintenant, avant l'égir, d'abandonner sa vie ici-bas, il sait bien qu'il a tant aimé. Celui qui n'est pas prêt maintenant à abandonner sa famille, sa femme, zaoujata, amwal, ses fortunes. Man lam yudahhi al-an bid-dunya min ajli Allah. Celui qui n'est pas prêt maintenant à sacrifier la vie ici-bas pour Dieu, falan yudahhi ghadan bil hayat. من اجل الله لم يطلب الشهاده غدا من اجل الله. Celui-ci sera incapable demain, lorsque les musulmans seront à Médine, il sera incapable de sacrifier sa vie pour Dieu. Il sera incapable de demander d'être martyr pour Dieu, parce que maintenant il est incapable de donner, de laisser la vie ici-bas. Comment un jour on va lui demander de laisser sa vie? الامتحان الاول كان في الجسد. Le premier test, la première épreuve concernait le corps. Al-imtihanu thani kana fi dunya. Le deuxième test, la deuxième épreuve concernait la vie ici-bas. Al-imtihanu thalith al-ati sayakunu fil hayat. La troisième ou le troisième test qui est à venir lorsque les musulmans seront à Médine concernera la vie. Abandonne ta vie pour Dieu. الشهادة المارتير وذلك في المدينة et ceci aura lieu à Médine comme on va le voir dans les prochains cours si on reste vivant inshallah. ولما جاء امتحان الهجرة, lorsque l'épreuve de l'égir est arrivée, à l'ikhtiyar بين الدنيا والآخرة, un choix entre la vie ici-bas et l'au-delà, نجح الصحابة رضوان الله عليهم في الامتحان كما نجحوا في الامتحان الأول. Les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, devant cette deuxième épreuve, ils ont eu le succès, ils ont réussi comme ils ont eu le succès dont la première épreuve qui était la torture par les mécréants, la torture qui touchait leur corps. Taraka sahabatu dunya. Les compagnons ont abandonné la vie ici-bas. Wakhtaru Allah. Et ils ont choisi Dieu. Fa'atahum Allahu ad-dunya wal akhirah. C'était seulement un test. Et Dieu, par la suite de ce test, leur a accordé la vie ici-bas et l'au-delà, les biens de la vie ici-bas et les très grands biens dans l'au-delà. Tarakul bilad wal awlad. Ils ont abandonné le pays et les enfants. Wakhtaru Allah. Et ils ont choisi Dieu. Faradda Allahu alayhim ba'da sinina qalila. Taman sanawat min ba'd. Et juste après quelques années, exactement 8 ans par la suite, fi fath Makkah, pendant la conquête de la Mecque, raddallahu alayhim al-bilad. Raddallahu lahum Makkah. Wa raddallahum al-awlad. Après 8 ans seulement, Dieu leur a rendu le pays, la Mecque, et les enfants. Kharajou. Ils ont quitté la Mecque en tant que faibles, en cachette. Et Dieu les a fait revenir à la Mecque en tant que maître, en tant que gouverneur. Et dans le cas où ils avaient choisi le pays et les enfants, la fortune, il y aurait la perte totale de la religion dans ce cas. ورغم ان القرشيين المشركين استعملوا كثيرا من الاساليب المتنوعه. Et malgré que les associateurs mécois ont utilisé plusieurs moyens différents, variés. اولا, premièrement, التفريق بين الزوج وزوجته واولاده. Le premier moyen, la séparation entre le mari, sa femme et son enfant. Abu Salama رضي الله عنه أم سلمة رضي الله عنها وابنهما أبو سلمة le père de سلمة la mère de سلمة et leur fils dont le bras était arraché الذي جرت يده الذي خلعت يده ثانيا deuxièmement الحبس l'emprisonnement la prison كما حبسوا هشام ابن العاص رضي الله عنه وحبسوا معه عياش رضي الله عنه le deuxième moyen c'était la prison comme ils ont emprisonné هشام fils de العاص et comme ils ont emprisonné عياش que Dieu soit satisfait des deux les deux amis de Omar fils de الخطاب رضي الله عنه ثالثا الكذب والاختطاف Le troisième moyen, c'était le mensonge et l'enlèvement. Comme ils ont fait avec Ayyash, que Dieu soit satisfait de lui, lorsqu'ils l'ont suivi à Médine, et ils ont inventé un mensonge, comme quoi sa maman, je ne sais pas, ne dort plus, etc. Sahib Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhum. Ayyash, l'ami de Omar, fils de al-Khattab. Quatrièmement, rabi'an, التجريد من الأموال la saisie des biens كما فعلوا مع صهيب رضي الله عنه comme ils ont fait avec صهيب que Dieu soit satisfait de lui رغم كل هذه الأساليب وغيرها malgré tous ces moyens utilisés par les associateurs et d'autres moyens فشلت قريش فشلا كبيرا في منع المسلمين من الهجرة les Quraychites ont subi le plus grand échec à interdire dans leur interdiction ou pour empêcher les musulmans à s'exiler vers Médine. Comme fashilat fil madi fi mayadin okhra lianha tuharib Allah et Quraysh a eu l'échec comme dans le passé parce comme elle a eu l'échec dans le passé parce qu'elle est Quraysh était en train de combattre Dieu wa man harab Allah fa huwa khasir min al bidaya et celui qui combat Dieu il est perdant dès le départ. والان احب ان نعيش مع بعض الايات التي تكلمت عن الهجره سواء في مكه او في المدينه لما هاجر النبي الى المدينه المنوره صلى الله عليه وسلم et maintenant j'aimerais vivre avec vous avec quelques versets coraniques qui ont abordé l'hijra al-hijra soit dans la Mecque les versets mécois ou à Médine, les versets médinois. Et ça veut dire après l'hégire du prophète, prière et sagerie. وَأَبْدَأْ لِنَرَى كيف كان ينفعل المسلم لما يسمع آيات الله في ذلك الوقت afin de ressentir maintenant les sentiments que ressentait le musulman à l'époque dans la Mecque lorsqu'il entendait ces versets coraniques. وأبدأ أولا بفترة مكة. Et je commence d'abord par l'époque mécoise. الآيات المكية. أنا رأيت كل الآيات وقمت بتحضير لكل الآيات ووجدت هذا الشيء. J'ai vu tous les versets coraniques qui ont parlé de l'égir. Et je suis arrivé à cette conclusion. الآيات المكية لم تتكلم مباشرة عن الهجرة. Les versets mécois n'ont pas abordé directement l'égir. إلا مرة واحدة, à part une seule fois. كما سنرى, comment va le voir. بل تكلم القرآن عن الهجرة بمكة بطريقة غير مباشرة. Dans la Mecque, le Coran a abordé l'égir d'une façon indirecte. وذلك لإعداد المسلمين شيئا فشيئا للهجرة. Afin de préparer petit à petit les musulmans à faire l'égir. وأعطي لأن الهجرة صعبة. Parce que l'égir est quelque chose de très difficile. Se séparer de la vie ici-bas. فارق الدنيا. سيعدهم الله شيئا فشيئا. أعطي بعض الأمثلة. Je donne quelques exemples. المثال الأول, le premier exemple. يقول الله في سورة العنكبوت وهي سورة مكية. Dieu dit dans le chapitre qui s'appelle l'araignée, un chapitre mécois, يقول الله عن إبراهيم عليه السلام. Dieu le Très-Haut nous parle d'Abraham. Prière et salut sur lui. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال إبراهيم في القديم, وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي. ستفعل مثل إبراهيم أو لا؟ وهو أبو الأنبياء أبو البشر. Il dit, ça veut dire Abraham, dans un verset coranique, le verset coranique nous rapporte la parole ibrahimique. Il dit, je vais quitter mon pays pour aller à mon Seigneur. C'est une façon de faire son exil, de s'exiler vers son Seigneur. C'est lui, le Tout-Puissant et le Sage. Et maintenant toi, musulman, vas-tu faire comme Abraham ? Vas-tu faire l'égir comme le père des prophètes, comme le père de l'humanité Abraham? ويقول الله عن الجزاء الذي حصل عليه إبراهيم بعد هجرته. Et par la suite, dans ce chapitre, Dieu va nous décrire la grande récompense qu'a reçue Abraham après son égir, ou bien pour son égir. هجرته من العراق إلى فلسطين, son égir de l'Irak vers la Palestine. يقول الله, Dieu dit, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بعدما كان عاقرا ترك والديه فأعطيناه عائلة أخرى. كان عاقرا وهاجر وترك العائلة, أنا الله أعطيته ولدي إسحاق ولإسحاق يعقوب وأعطيته إسماعيل كذلك جعلت له عائلة مسلمة مؤمنة نبية منها الأنبياء وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب جعلنا الكتاب في أولاده التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وآتيناه أجره في الدنيا الرزق الواسع والثناء الجميل عند كل أهل الأديان وإنه في الآخرة لمن الصالحين في الآخرة موجود في السماء السابعة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. La récompense de Dieu, le salaire de Dieu accordé à Abraham pour son égir de l'Irak vers la Palestine, nous lui donnâmes Isaac et Jacob. Il a quitté ses parents, il a perdu sa famille. Dieu va lui donner une famille de lui-même, des enfants musulmans et qui seront des prophètes. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, plaçâmes dans sa progéniture la prophétie et le livre, dans ses enfants qui seront des prophètes, il y aura tous les livres, la Bible, les évangiles, les psaumes et le Coran. Nous lui donnâmes son salaire dans ce bas monde une largesse dans la subsistance, une belle renommée avec le temps chez tous les adeptes de toutes les religions. Il fera certes partie des vertueux, ça veut dire dans l'au-delà. Notre récompense dans l'au-delà, il vit actuellement dans le septième ciel, comme l'a vu notre prophète lors de l'ascension. Comme si Dieu dit, « Ya muslimin, ô musulmans, fi Makkah, dans la Mecque, ô musulmans, unduru ila fadl al-hijra. Regardez le mérite. Regardez le bienfait de l'égir. Hal yawman min al-ayyam satafa'aluna mithla 'abdi Ibrahim. Est-ce que un jour allez-vous faire comme mon serviteur noble Abraham? Wa ma'lum anna hijrat Ibrahim alayhi salam kanat ba'dama ramahu qawmuhu fi an-nar. Il est connu les versets, je ne peux pas dire tous les versets ont décrit que l'égir a eu lieu d'Abraham a eu lieu après que son peuple l'a jeté dans les flammes. Ils ont voulu le tuer incendié. Par la suite, il y a eu son égir. Et son égir a eu lieu après que son père, son cher père, le mécréant, a voulu le lapider. Le Coran yu'ti Ibrahim alayhi salam ka qudwa lil muslimin. Ça veut dire là, le Coran est en train de donner un modèle aux musulmans. Ce modèle, c'est Abraham. Prière et saïe sur lui. Fal hijra halun li mushkilati al-adab. Ça veut dire l'égir est une solution contre la torture. Min taraf al-mushrikin bi Makkah. Contre la torture pratiquée par les associateurs dans la Mecque. Ibrahim lamma adabou haja. Abraham, lorsqu'il a été torturé, il a quitté le pays, l'Irak. Et exactement comme le Coran a parlé de... le Coran mécois a parlé de l'égir d'Abraham, prière et saïsoui. Le Coran mécois a raconté les histoires de pas mal d'autres prophètes. Et leur égir, leur exil, et comment ils se sont séparés de leur peuple et de leur pays d'origine. مثلاً في سورة الشعراء وهي مكية. إلى درجة أن يقول المثل لا أحد في بلاده نبي أو لا أحد يكون نبي في بلاده. Jusqu'au point que le proverbe dit nul n'est prophète dans sa ville ou dans son pays. C'est-à-dire on devient prophète lorsqu'on s'exile. مثلاً في سورة الشعراء وهي مكية. Par exemple, dans le chapitre Les Poètes, un chapitre mécois, ذكر الله قصة موسى عليه السلام. Dieu a souligné l'histoire de Moïse, prière et saïsoui, مع فرعون الظالم, contre Pharaon l'injuste. ثم ذكر من بعدها هجرة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. Et par la suite, Dieu a parlé dans ce chapitre Les Poètes. Il a parlé de l'égir accompli par les enfants d'Israël avec Moïse, prière et saïsoui. Le verset dit وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ إِسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Nous inspirâmes à Moïse, prends la route avant l'aube avec mes serviteurs, c'est-à-dire les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, car on va vous poursuivre. ثم ختم القصة بقوله et après Dieu a fini l'histoire avec ce verset وأنجينا موسى ومن معه. المسلم لما يسمع الله يقول وأنجينا موسى النبي ومن معه من الصحابة يفهم بأن الله سينجي محمدا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَسَيُغْرِقْ سَيُفْنِي كُفَّارَ مَكَّةَ كَمَا أَغْرَقَ كُفَّارَ مِصْرَ الْفَرَاعِنَةَ. Après, Dieu dit, nous sauva Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Le musulman à l'époque, lorsqu'il entend ce verset, il comprend que comme Dieu a sauvé Moïse, le prophète, et ses compagnons dans leur totalité, ça veut dire qu'il va sauver de la même manière Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, ainsi que tous ses compagnons. Ensuite, nous noyâmes les autres. Wa dhakara Allahu qissat Nuh. Alayhi salam, Dieu a cité l'histoire de Noé, prière et salut sur lui. Kayfa faraqa qawmahu adh-dhalimin fawqa as-safina. Comment Noé, prière et salut sur lui, a abandonné, a quitté son peuple injuste au-dessus de son arche. Qala ta'ala, Dieu dit par la suite, fa anjaynahu wa man ma'ah. المسلم لما يسمع هذا الكلام يتردد يفهم يقينا أن الله سينجي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين وأغرقنا قومهم وهم أنجيناهم. Dieu dit à propos de son prophète Noé, nous le sauvâmes, de même que ceux qui étaient avec lui dans l'arche pleinement chargée, puis nous noyâmes par la suite le reste. C'est-à-dire le musulman, il va comprendre que Dieu va faire la même chose avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses amis. Et surtout que Allah nous a montré lors de l'ascension qu'il aime beaucoup son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وخصوصا أن الله بين لنا في ليلة الإسراء والمعراج أنه يحب كثيرا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله قصة هود. هذا كله في سورة الشعراء. Tout cela existe dans le chapitre les poètes. ذكر الله قصة هود عليه السلام. Dieu a cité l'histoire du serviteur Houd, prière et salut sur lui, مع قومه عاد الظالمين, contre son peuple de عاد, les injustes. وكيف أهلكهم الله et comment Dieu les a anéantis tous. ثم ذكر قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود الظالمين. Et par la suite Dieu a raconté aux musulmans l'histoire de Salih, prière et salut sur lui, contre son peuple ثمود, les injustes, مع قومه ثمود الظالمين. فأخذهم الله بالعذاب, et Dieu les a saisis par son tourment ou sa torture. وذكر الله قصة لوط عليه السلام مع قومه الضالين في سورة واحدة. Et par la suite, dans le même chapitre, Dieu a souligné l'histoire de Lot, prière et salut sur lui, contre son peuple injuste. ثم قال تعالى, et à la fin Dieu dit, فنجينا لوط عليه السلام فنجيناه وأهله أجمعين. أهله معه كلهم أنجيناهم فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. العجوز هي زوجة لوط, لم تسلم, فعذبها الله مع من عذب. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. ودمر الباقي ودمر الزوجة التي لم تسلم. بمعنى يا مسلمين, إذا فيه أبوكم إذا فيه أمكم لا تسلم ستعذب مع المعذبين. هذه آياتي. Nous le sauvâmes, par la suite Dieu parle à propos de Lot, nous le sauvâmes alors lui et sa famille tous ensemble, sauf une vieille. La vieille, c'est l'épouse de Lot qui a refusé l'islam. Sauf une vieille destinée à disparaître avec les autres, puis nous détruisîmes les autres. Là Dieu fait une remarque ou donne un éclaircissement. Ça veut dire, parmi vous les musulmans, s'il y a une mère qui n'est pas musulmane ou un père qui n'est pas musulman, il va un jour recevoir le même sort. ثم ذكر الله قصة شعيب عليه السلام مع قومه الظالمين وكيف أخذهم عذاب يوم عظيم. Et par la suite Dieu a cité l'histoire de Shu'aib, que les prières de Dieu soient pour lui. Shu'aib, son histoire contre son peuple injuste et comment Dieu les a saisis par un tourment d'un jour énorme ou redoutable. فالمسلم في مكة لما يسمع الآيات تتكلم عن الأنبياء عليهم السلام. Le musulman, lorsqu'il était dans la Mecque, sous le poids de la torture des associateurs, lorsqu'il écoutait les versets coraniques qui parlaient des prophètes, prières et salut sur eux, et comment Dieu les a sauvés, ma ashabihim al-mu'minin, les a sauvés avec leurs compagnons croyants, en tariq al-hijra, par le biais de l'égir, et comment Dieu a puni, a exterminé, a détruit les peuples injustes après l'égir, يفهموا المسلم أن الحل في مكة هو الهجرة. Le musulman à l'époque comprenait indirectement que la solution d'aujourd'hui contre la torture dans la Mecque n'est que l'égir. فالله سينجي نبيه صلى الله عليه وسلم. Et le musulman comprenait que Dieu va sauver son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين et tout ses compagnons dans leur totalité, exactement comme il a sauvé au passé les prophètes et leurs compagnons. Telle est la règle de Dieu. Et comme quoi Dieu va punir, va sanctionner sévèrement les associateurs. Il n'y a aucun doute, le musulman a compris cela. Et ces versets se répètent sous d'autres formes, dans d'autres versets, dans d'autres chapitres. Mais quoi? Yunus, Jonas, prière et salut. Le chapitre de Jonas, prière et salut. Houd, le chapitre de Houd, prière et salut. Al-Hijr, le chapitre de Al-Hijr. Surah Taha, le chapitre de Taha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé beaucoup de Moïse. Surah Al-Anbiya, le chapitre qui est intitulé les prophètes. Sourate Nour, le chapitre qui est intitulé Noé ila akhiri, etc. Hatta yasil al-muslim ila darjat al-yaqin, jusque le musulman a atteint le degré de la certitude. Al-mithal al-thani, le deuxième exemple. Fi akhiri sourate al-ankabut, à la fin du chapitre l'araignée, qui est un chapitre mekwawa, sourate al-ankabut, sourate makkiya, nazalat fi Mecca, qui a été révélée dans la Mecque. بعدما تكلم الله عن هجرة إبراهيم عليه السلام. Après que Dieu, au début de ce chapitre, a parlé de l'égir d'Abraham, prière et salut sur lui, ou عن أنبياء آخرين, et a parlé d'autres prophètes, قال تعالى, Dieu a dit dans un verset à la fin, يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. يا عبادي الذين أنتم تحت العذاب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Ô mes serviteurs qui avez cru, ô mes serviteurs qui vous êtes sous le poids de la torture dans la Mecque, ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste. Ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Le musulman, fi Mecca, alladhi yu'ani min adab al-mushrikin. Donc le musulman dans la Mecque qui souffrait devant la torture et le supplice qui venait de la part des associateurs, yasma hadhihi al-aya. Et lorsqu'il est à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoutait ce verset coranique, oh mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est bien vaste. Ce verset leur donnait l'espoir. Ce verset le poussait d'une façon indirecte à réfléchir, à accomplir l'égir. Ya ibadi, in kuntum la tastati'una ibadati bi kulli hurriya fi Mecca. Oh mes serviteurs, si vous êtes incapables de m'adorer en toute liberté dans la Mecque, فَإِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَهَاجِرُوا فِي أَرْضِي. Si vous êtes incapable de m'adorer en toute liberté dans la Mecque, je vous dis, mes serviteurs, ma terre est très vaste. Accomplissez l'égir, exilez-vous dans ma terre. وَعْبُدُونِي بِحُرِّيَتَمْ فِي مَكَانٍ آخَرٍ. Et adorez-moi en toute liberté dans un second lieu. Al-Mithal al-Tal, le troisième exemple. قَالَ اللَّهُ فِي صُورَةِ النَّحْلِ الْمَكِّيَّةِ. Dieu a dit dans le chapitre des abeilles, ce chapitre est né quoi ? والذين هاجروا أول مرة الله يذكر كلمة هاجر. La première fois où Dieu souligne le mot émigré ou s'exilé directement. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. من بعد ما ظلموا أنتم. بعدما ظلمكم أهل مكة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة لنعطينهم في الدنيا دارا حسنة خير من مكة لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كان المسلمون الذين لا يفكرون في الهجرة الذين لم يتسابقوا إلى الهجرة لو كانوا يعلمون أجر الهجرة في الآخرة لتسابقوا إلى الهجرة لما بقوا في مكة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا صبروا على العذاب وصبروا على الهجرة وصبروا على فراق الدنيا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون يتوكلون على الله ويهاجروا بلا شيء الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ceux qui se sont exilés pour la cause de Dieu la première fois où Dieu parle d'exil pour les croyants dans la Mecque ceux qui se sont exilés pour la cause de Dieu après avoir subi l'injustice c'est-à-dire de la part des associateurs mais quoi nous les installerons sûrement dans ce bas monde, dans une demeure agréable, qui est Médine, à la place de cette mauvaise demeure, qui était la Mecque dans laquelle ils se font torturer. Et le salaire de l'autre monde est certainement plus grand, s'ils savaient, c'est-à-dire ceux qui ne voulaient pas maintenant faire l'égir, et ne faisaient pas rapidement parmi les premiers l'égir, s'ils savaient, oh, s'ils savaient le salaire énorme qui se trouve auprès de Dieu, s'ils savaient, ceux qui ont patienté ou qui ont enduré et qui s'en remettent à leur Seigneur, qui ont supporté la torture avec patience, qui ont supporté pendant l'égir la séparation avec leurs biens, la séparation avec la vie ici-bas, avec leur épouse, leurs enfants, etc. Et s'en remettent à Dieu, comptent uniquement sur Dieu. Ils n'ont rien pris avec eux et ils ont quitté la Mecque. فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ تَكَلَّمَ اللَّهُ بِطَرِيقَةٍ مُبَاشِرَ عَنِ الْهِجْرَةِ وَفَضْلِهَا وَأَجْرِهَا Dans ce verset coranique, Dieu, pour la première fois, a parlé d'une façon directe, d'une façon franche, de l'égir, de son mérite et de son salaire. Et les musulmans se sont exilés, comme nous l'avons vu, vers Médine. De la même manière, le prophète, prière et sa va faire son égir par la suite. Mais quelques-uns parmi les musulmans et les musulmanes vont rester dans la Mecque. Yurfuna islam. Ils vont continuer à cacher leur islam et à vivre parmi les mécréants. Mana'ahum al-khawf min al-mushrikin. Ils étaient empêchés d'accomplir leur égir par la crainte des associateurs. Ils redoutaient beaucoup les associateurs. Mana'ahum hubbuhum lit-tijara. Leur amour pour le commerce et le gain les a freinés, les a empêchés. Mana'ahum hubbuhum lil'a'ila, liz-zawja, lil-walad, lil-ab, lil-um. Leur amour de la famille, de la femme, de la mère, du père les a freinés. Mana'ahum hubbuhum lil-masakin. Kif ana atrok al-villa diyali w nji. Ou les SDR. Nkhalli al-villa. Leur amour de leur habitation, de leur demeure, de leur pavillon les a empêchés. Comment je vais abandonner ma villa pour être un SDF ailleurs, il a affiré, etc. Et maintenant, maintenant, on va sélectionner quelques versets coraniques de la période médinoise. Ça y est, le prophète sallam est à Médine. Le Coran maintenant se révèle à Médine. Qu'est-ce que Dieu va dire dans les versets coraniques? Nous allons parler de quelques versets de l'époque médinoise. وَمِنْ بَيْنِ الْآيَاتِ الْكَثِيرَ الْكَثِيرَ الَّتِي تَكَلَّمَتْ بِطَرِيقَ مُبَاشِرَ عَنِ الْهِجْرَةِ. Et parmi les nombreux versets coraniques qui ont abordé, qui ont traité le problème de l'égir, et d'une façon directe cette fois-ci, pas indirecte, d'une façon directe, je vous ai choisi quelques exemples. اخترت لكم بعض الأمثلة وأعطيكم المثال الأول. Et je vous donne le premier exemple. قال الله تعالى مادحا المهاجرين في سورة التوبة وسورة التوبة مدنية. Dieu a fait des compliments, a fait des éloges pour les muhajirin, pour les exilés, pour ceux qui ont quitté la Mecque, dont le chapitre, le repentir qui est médinois. يقول الله, Dieu dit, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وأولئك هم الناجحون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ما شاء الله ما شاء الله الذين آمنوا واحدة وهاجروا ثانية وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم ثالثة وأنفسهم رابعة أعظم درجة عند الله. انظروا الآن المقابل, أربعة قاموا بها, قاموا بأربعة, آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم, أربعة أشياء. انظروا ماذا سيعطيهم الله هؤلاء. أولا أعظم درجة عند الله, ثانيا وأولئك هم الفائزون, ثالثا يبشرهم ربهم برحمة منه, رابعا ورضوان, الله راضي عنهم, خامسا وجنات, سادسا لهم فيها نعيم مقيم, سابعا خالدين فيها أبدا, ثامنا إن الله عنده أجر عظيم. قاموا بأربعة, الله أعطاهم ثمانية, قاموا بأربعة, الله أعطاهم ثمانية لأنه أحبهم ورضي عنهم. Ceux qui ont cru, un, qui se sont exilés, deux, et ont combattu, trois, dans la voie de Dieu avec leurs biens, quatre, et leurs personnes ont un bien. Là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait quatre choses. Ils ont cru, ils se sont exilés, ils ont combattu dans la voie de Dieu, trois, avec leurs biens, quatre, avec leurs personnes. Regardez la récompense maintenant. Un, ont un plus grand degré auprès de Dieu. Deux, et ce sont ceux-là les gagnants. Trois, leur Seigneur leur annonce la bonne nouvelle de sa part, de même que d'une satisfaction suprême et des jardins où ils auront des délices permanents. Ils s'y éterniseront à jamais. Certes, Dieu détient un très grand salaire. Si on compte, on trouve que Dieu leur donne huit choses auprès de lui. Eux, ils ont fait quatre, et lui a fait quatre fois deux, ça fait huit. Par la suite, Dieu dit, « Yaqulullah, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم في مكة. الذين بقوا في مكة وهم مسلمون لكن يخفون إسلامهم، لم يريدوا الهجرة أو هم كفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا مؤمنين يا مسلمين في المدينة، من يتولى من بقي في مكة ولم يهاجر وبقي مع الكفار فأولئك منكم هم الظالمون. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères et vos frères comme des amis intimes s'ils ont préféré la mécréance à la foi. Ça veut dire ceux qui se trouvent toujours dans la Mecque. Celui d'entre vous qui les prend comme amis intimes, ceux-là sont les injustes. Min ba'd yaqul Allah ta'ala wa tabarak. Par la suite, Dieu dit, yatakallam ma'an nabi. Il parle avec le prophète, prière et sa souris, sallallahu alayhi wa sallam. Qul. يعني قل يا أيها النبي قل قل لمن ترك الهجرة لمن بقي ولم يهاجر بقي مسلما ولم يهاجر في مكة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. ما الذي منعكم من الهجرة؟ أحببتم الآباء والأمهات والأولاد والزوجات والمال وتجارة تخشون كسادها ومساكن الفلات ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله من هجرة إلى الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا فانتظروا لا تشوفوا فتربصوا حتى ياتي الله بأمره بعذابه لكم يا من بقيتم في مكة ولم تهاجروا من المسلمين والله لا يهدي القوم الفاسقين. عدهم الله من الفاسقين وإن كانوا مسلمين لأنهم لم يهاجروا، الهجرة صارت فرضا. Dis, c'est-à-dire au prophète, dis à ceux qui ont refusé de faire l'hégire de la Mecque vers Médine, qui sont des musulmans, qui cachent leur islam et qui ont préféré rester dans la Mecque, dis-leur, dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos familiers, des biens que vous avez gagnés, un commerce dont vous craignez la perte ou le marasme, ainsi que des habitations, des villas, etc., des habitations, vous, plaisez, vous sont plus chers que Dieu. Vous sont, si tout ça vous sont plus chers qu'une émigration vers Dieu, qu'un voyage vers Dieu, plus cher que Dieu, que son messager et qu'un combat dont sa voix, attendez alors que Dieu apporte sa décision, c'est-à-dire le châtiment. Dieu ne guide pas le peuple des pervers. Il les a comptés parmi les pervers malgré qu'ils sont des musulmans. نلاحظ هنا أن الآيات المدنية صارت مباشرة وشديدة اللهجة. On remarque ici que les versets médinois sont devenus directs et avec un ton sévère, fort. بينما كانت الآية المكية الآيات المكية tandis que les versets mécois كانت هذه a été doux. وغير مباشرة n'était pas directe. Les versets, mais quoi ? Ya ibadi alladhina amanu, inna ardi wasi'a fa'iyaya fa'budun. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est très vaste, adorez-moi donc. Lianna an-nabi hada'a fi hudu, ma fi quwwa hadhihi al-ayah, ma fiha quwwa mithl allati sami'na bil Madina. Lianna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana la zala fi Makkah, wa huwa al-qudwa. كيف نهاجر النبي؟ لم يهاجر، القدوة ما زال موجود في مكة. فالله كان يتكلم معهم بهدوء parce que l'exemple, le modèle qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était toujours dans la Mecque. Le modèle n'a pas encore fait son exil. ولم تكن هناك دولة للمسلمين خارج مكة. Et à l'époque, il n'y avait pas un état des musulmans à l'extérieur de la Mecque qui va protéger les musulmans. الذي يحمي المسلمين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم après l'exil, après l'égire du prophète صلى الله عليه وسلم وصارت للمسلمين دولة تحميهم et maintenant les musulmans ont acquis un état à Médine qui les protège, un état fort. صارت الآيات قوية, les versets sont devenus forts comme l'état fort. صارت الآيات قوية كالدولة القوية التي صارت في المدينة وكأن الله يقول للمسلمين et comme si Dieu disait aux musulmans يا عبادي. Ô oh, mes serviteurs, anasitum Ibrahim, alayhi salam, qalama kallamtukum fi Makkah an abdi Ibrahim, anasitum Ibrahim, alladhi faraqa abahu wa ummahu al-kafirayn. Ô mes serviteurs, avez-vous oublié le modèle que je vous ai donné d'Abraham, prière et sagesse, qui a un jour abandonné sa terre, abandonné ses parents mécréants, anasitum nous عليه السلام الذي فارق زوجته وابنه الكافرين. Avez-vous oublié Noé, prière et sagesse, qui s'est séparé de son épouse et son fils mécréant. أنسيتم لوط عليه السلام. Avez-vous oublié Lot, prière et sagesse, الذي فارق زوجته الكافرة, qui s'est séparé de son épouse mécréante, il a appelé, etc. فمن لم يفارق عائلته الكافرة فأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون وأنا الله اليوم أقول لكم هذا الكلام et moi Dieu aujourd'hui je vous dis celui qui se sépare pas maintenant de sa famille dans la Mecque qui est mécréante est un injuste et est un pervers. المثال الثاني, je vous donne le deuxième exemple. قال الله في سورة النساء, Dieu a dit dans le chapitre les femmes. إن الذين توفاهم الذين تأخذ الملائكة أرواحهم عند الموت وهم مسلمين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظالمي أنفسهم, ليش ظالمي أنفسهم؟ لأنهم لم يهاجروا, أسلموا ولم يهاجروا, بقوا في مكة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. قالت الملائكة لهم عند الموت فيما كنتم, مع من كنتم؟ مع المسلمين أم كنتم مع المشركين؟ ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont en état d'injustice. Quel est l'état d'injustice? Ils n'ont pas accompli, malgré leur islam, ils n'ont pas accompli l'égir, ils ont préféré rester dans la Mecque. Lors de leur décès, les anges leur disent, ils leur dirent, dans quel milieu étiez-vous? Ça veut dire, étiez-vous avec les musulmans, avec les associateurs? كنا ضعفاء, قالوا للملائكة كنا ضعفاء في الأرض, كنا مستضعفين في الأرض. Ils dirent, ça veut dire aux anges, nous étions sur terre victimes de notre faiblesse, c'est-à-dire nous étions faibles. لم تكن عندنا القدرة, nous n'avons pas la possibilité ou la capacité. قالوا, قالت الملائكة لهم, قالت الملائكة مكذب الملائكة لم تثق بهم, تكذبهم. قالوا, قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Ils disent, les anges leur disent, comme quoi ils n'ont pas cru. Ils les traitent comme menteurs, les anges les traitent comme menteurs, leur dire, est-ce que la terre de Dieu n'était pas assez vaste pour que vous vous y exiliez? ذكروهم بقول الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. Ils leur ont fait rappeler le verset dans lequel Dieu disait aux mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est très vaste. ألم تكن أرض الله واسعة. La terre de Dieu n'était pas très vaste. يقول الله Dieu dit فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Cela leur refuge sera l'enfer et quelle bien mauvaise destinée. Alors maintenant muslimin, malgré qu'ils étaient des musulmans. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهنا نلاحظ أن الآيات صارت أكثر قوة. Là on remarque, on constate que les versets sont devenus très très durs. Très fort. فالذي لا يهاجر ويخفي إسلامه ويبقى مع الكفار فمصيره جهنم. Celui qui est musulman, qui cache son islam, qui vit toujours avec les mécréants dans la Mecque, son refuge sera l'enfer, la jahannam. رغم أنه مسلم malgré qu'il est musulman, لأنه قصر في الفرض. Parce qu'il a négligé une obligation. وَلَمْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il n'a pas obéi à Dieu et à son messager. المثال الثالث, le troisième. قال الله تعالى في سورة الأنفال المدنية. Dieu dit dans le chapitre الأنفال, les dépouilles, qui est médinois. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا هم الأنصار لأنهم سكنوا عند الأنصار والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Ceux qui ont cru, se sont exilés et qui ont combattu avec leurs biens et leur vie dans la voie de Dieu, ceux qui ont fourni asile et appui, ça veut dire les ansars à Médine, ceux-là sont les amis et les soutiens les uns des autres. Ils avaient même droit à l'héritage entre eux, entre les muhajirines et les ansars. يقول الله فيما بعد, Dieu dit dans la suite, والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. Ceux qui ont cru et ne sont pas encore exilés, vous n'avez rien à attendre de leur sympathie ou de leur alliance jusqu'à ce qu'ils exilent. فلا نصرة بينكم وبينهم ولا إرث. Ça veut dire, il n'y a aucune assistance, aucune aide entre vous et eux. Tant qu'il n'y ait aucun héritage entre vous et eux, tant qu'ils ne s'exilent pas. بمعنى الهجرة ربطت أواصر الولاية بين المكيين والمدنيين بين المهاجرين والأنصار. Ça veut dire l'Égypte a fait des liens d'alliance entre les Mécois et les Médinois, c'est-à-dire les Muhajirin et les Ansar. وقطعت الأواصر بين المكيين والمكيين بين المكيين المهاجرين والمكيين الذين تركوا الهجرة. Et a coupé les liens familiaux entre les Mécois et les Mécois, c'est-à-dire les Mécois qui se sont exilés et les Mécois qui ont renoncé à ça. المثال الرابع والأخير, le quatrième et dernier exemple, نختم بهذه الآية التي ذكرها الله في سورة التوبة. On va clore notre cours d'aujourd'hui avec ce verset noble que Dieu a cité dans le chapitre le repentir qui est médinois, سورة التوبة وهي مدنية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك النجاح الكبير. Dieu les premiers précurseurs, c'est-à-dire pionniers parmi les exilés, les muhajirines et les partisans de Médine, ça veut dire les Ansars, ainsi que ceux qui les ont suivis, dont le bien Dieu leur a accordé sa satisfaction, et ils lui ont accordé la leur, il leur a aménagé des jardins sous lesquels coulent des rivières, et où ils seront éternellement immortels, c'est là le grand ou le très grand succès. As-sabiquna min al-muhajirin, les premiers parmi les muhajirines, les exilés, أتذكرون أبا سلمة؟ Est-ce que vous rappelez toujours d'Abu Salama الذي ترك زوجه وترك ابنه وقد قطعت يده وَهَاجْرَ إِلَى الْمَدِينَةِ Vous vous rappelez toujours d'Abu Salama qui a abandonné sa femme, son fils, qu'on a arraché, auquel on a arraché la main, et qui a préféré l'exil vers Dieu subhanahu wa ta'ala. إِنَّهُ فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ Il est dans des jardins en dessous, sous lesquels coulent des rivières. أَتَذْكُرُونَ أُمَّ سَلَمَةَ الَّتِي بَكَتْ سَنَةً كَامِلَةً لِأَنَّهَا مُنِعَتْ مِنَ الْهِجْرَةِ Est-ce que vous rappelez toujours de la mère de Salama qui a pleuré pendant une année parce qu'on l'a empêchée de faire l'hijr? إِنَّهَا فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ Elle est dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. أَتَذْكُرُونَ صُهَيْبًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Est-ce que vous rappelez de Suhaib, que Dieu soit satisfait de lui? الَّذِي أَعْطَى مَالَهُ لِلْكُفَّارِ Qui a abandonné toute sa fortune aux associateurs. وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِحَ الْبَيْعُ أَبَا يَحْيَى Et auquel le prophète a dit, la transaction est gagnante au Suhaib. إنه في جنات تجري من تحتها الأنهار. Il est dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. وكذلك بلال وعمار وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم. Ainsi, le même sort est réservé à Bilal, à Ammar et à Omar, fils du Khattab, que Dieu soit satisfait d'eux. والسابقون من الأنصار. Et les premiers parmi les Ansar, أتذكرون أسعد ابن زرار رضي الله عنه الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. Vous rappelez de Asad, fils de Zurara, qui a prêté serment, qui a prêté allégeance au prophète, prière, ça se dans la première allégeance d'Al-Aqaba, wa askana fi baytihi Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, et qui a hébergé l'ambassadeur d'Islam, Mus'ab, fils de Umayr, à Médine. Innahu fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar, il est dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Atadkuruna Usad ibn Hudayr, alladhi bay'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-Aqaba al-thaniya. Est-ce que vous rappelez de Usayd, fils de Hudayr, qui a prêté allégeance dans la deuxième aqaba au prophète, prière et sagesse. Et son bâton lui éclairait le chemin pendant la nuit. Il est dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Est-ce que vous vous rappelez de l'héroïne Nusayba Umm Umar, Nusayba, la mère de Umar, التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية, qui a prêté allégeance au prophète, prière et sagesse dans la deuxième aqaba, ودافعت عن النبي يوم أحد, دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد, et qui a protégé ou défendu le prophète, prière et sagesse pendant la bataille de Uhud, وقطع مسيلمة الكذاب ابنها حبيبا اربا اربا, et que Musaylima le menteur a coupé en petites pièces son fils Hubayb. Nusayba wa Hubayb fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Nusayba et Hubayb sont dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Unduru rahmatullah, regardez la clémence de Dieu. Unduru karamallah, regardez la générosité de Dieu. أنت كذلك أخي أنت كذلك أختي toi de la même manière mon frère, toi de la même manière ma sœur. إن كنت تقوم بالإحسان, si tu fais la bienfaisance, وكنت من السابقين للطاعة, si tu es toujours parmi les premiers à faire l'obéissance, فإنك في جنة تجري من تحتها الأنهار, toi aussi tu seras dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان, Dieu dit, et ceux qui les ont suivis dont le bien, c'est-à-dire toi, moi, jusqu'au jour de la résurrection, il a yawm al-qiyama, hakada alaj al-Qur'an ou qadiyat al-hijra, ainsi le Coran a traité, a fait face à l'affaire de l'égir, wa ba'da fathi Makkah, après la conquête de la Mecque, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la hijrata ba'da al-fath, nul égir après la conquête, muttafaq alayhi, unanimement authentique, wa lam tabqa al-hijra farban, et ainsi l'égir n'est plus compté comme un pilier d'islam, il n'est plus obligatoire, wa lam yabqa tawarud bil-hijra, il n'y avait plus d'héritage grâce à l'égir, wa lam tabqa hunaka hijra min Makkah ila al-Madina, il n'y avait plus d'égir de la Mecque vers Médine, parce que la Mecque est conquise, ولكن بقيت هجرتان, mais il restait deux hijr. الاولى, la première, من البلاد التي لا تستطيع العباده فيها الى البلاد التي تستطيع العباده فيها, l'hijr d'un pays dans lequel tu peux pas librement adorer Dieu vers un second pays dans lequel tu peux librement adorer Dieu. فارض الله دائما واسعه, parce que la terre de Dieu est toujours vaste. والهجرة الثانية, et le deuxième exil. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière sans celui dit, المهاجر من هجر ما نهى الله عنه, le vrai exilé est celui qui s'exile de ce que Dieu a interdit. رواه البخاري, rapporté par Bukhari, هجر من المعاصي إلى الطاعات, un exil des désobéissances, des péchés vers les obéissances. Wa ila hissatin qadima insha'Allah. Et à notre rendez-vous prochain, si Dieu le veut. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wa al-afiyah. Allahumma kama jama'tana hawla sirati nabiyyik. اليوم صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا حول حوضه غدا يوم القيامة وأشربنا من يده شربة لا واسقنا من يده شربة لا نعرف الظمأ بعدها وأدخلنا معه إلى الجنة اللهم ألحقنا بالصالحين من المهاجرين والأنصار اللهم اجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.